Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Au cours des dernières semaines, j'ai approché des amateurs de SF, fantastique et fantasy, et leur ai posé trois questions. 1. Quel est votre roman de SF fantastique ou fantasy préféré? Si vous avez un préféré pour chaque genre, libre à vous de détailler. 2. Pourquoi? Et 3. Pouvez-vous nous résumer l'histoire? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part des réponses de la très dynamique Camille de developpeur.site.web.free.fr. Outre qu'elle est lectrice pour audiocité.net, Camille est également développeur de sites Internet. Bonjour Christian, et puis merci de cette invitation. Ça me fait plaisir de répondre à ces quelques questions. Question 1. Je ne vais pas choisir qu'un seul roman, je vais plus en choisir un par genre. Pour la SF, ce sera la saga Hyperion, donc de Dan Simmons. Pour le fantastique, je vais d'un seul coup, je vais me rajeunir en disant ça, Harry Potter. c'est bien Harry Potter. Et ensuite, en fantasy, on va me taper, j'en ai jamais lu. Mais je vais pas tarder parce que je compte acheter les trois premiers tomes de la seconde chute d'Hervalon, de David Brie, parce que j'ai parlé avec lui dans un salon, et il m'a convaincu d'acheter sa trilogie, parce qu'il m'a donné plein de conseils pour mon roman, tout, il était vraiment très très sympa. Question 2. Pourquoi est-ce que j'aime Hyperion ? Donc c'est la première saga de science-fiction que j'ai lue, et j'ai eu beaucoup de mal donc à rentrer dedans au tout départ, parce que c'est très différent, enfin forcément on vit, enfin ça ouvre tout un univers plausible, tout ce qui pourrait se passer dans le futur, et ce que l'humanité pourrait devenir. Et une fois qu'on se dit bon allez hop on y va, qu'on arrive à faire le silence autour de soi et qu'on part dans la lecture et qu'on s'enfonce dedans, bah on n'en décolle plus, on reste, on comprend, on vit dedans et tout l'univers qui est créé. Ça m'a vraiment marqué, c'est par exemple tous les personnages, hein, parce que donc il y a dans Hyperion, il y a tout un groupe de pèlerins dont on suit l'histoire. Et déjà tous ces personnages, je me rappelle de leurs noms, alors qu'en général un roman, mais je lis, mais j'oublie le nom des personnages, hein, je les retiens pas. Et eux pourtant, même s'ils ont des noms quand même particuliers, enfin parce qu'ils sont de nationalités très différentes, je les ai tous retenus et c'était captivant, je trouve. Tellement, enfin bon, en plus il a eu plein de prix, cette saga a eu plein de prix, on comprend pourquoi. Et en plus, les styles d'écriture différents qu'il y a dedans, parce que justement, donc je pense que dans les quatre, c'est quand même Hyperion qui est mon petit chouchou. Comme dans Hyperion, on a chaque personnage raconte sa propre histoire, et donc c'est pas la troisième personne, c'est pas l'auteur qui nous raconte l'histoire des personnages, ce sont les personnages eux-mêmes qui racontent leur histoire. Il y a un style différent pour chacun, forcément, puisque chacun raconte sa vie. Et c'est vraiment... Donc on découvre vraiment la personnalité des personnages de cette manière-là. Et donc rien que ça, c'était merveilleux. Et puis de toute façon, dans les trois autres livres aussi, il y a un style différent quand même qui apparaît. Et ça aussi, c'était très intéressant et passionnant. Et tout l'univers qui est créé, moi je suis tombée en pleine admiration devant tout ça, devant toute la technologie qui est décrite, mais en même temps on la comprend. Voilà, c'est pas barbant à un point où on n'y comprend rien et puis on en a marre. Non, c'est pas du tout technique, mais il y a de la technologie. Forcément, c'est l'avenir et c'est technologique parce que c'est une. Il y a une certaine lutte contre les IA, les intelligences artificielles. Et donc, il y a de la technologie, mais on la comprend. Elle est tout à fait accessible. La façon dont elle est expliquée est claire pour moi et les termes utilisés, il y a des gadgets. Des gadgets technologiques qui n'existent pas aujourd'hui mais qui seront donc dans le futur et qui dans le futur d'Hyperion et qui sont le quotidien des personnages, on se perd pas dedans, on sait ce que c'est, on comprend à quoi ça sert, on n'est pas perdu, les termes sont bien choisis, les mots choisis pour qualifier ces nouvelles technologies sont très bien sélectionnés, je trouve qu'ils sont parfaits, ils correspondent très bien, enfin oui voilà, on lit le mot et puis bon, on se dit ah bah oui, ça colle parfaitement, c'est ça. Et en même temps, c'est aussi donc bon, le premier roman date de 91, Hyperion est sorti en 91, même si Internet était quand même en voie en 91, mais bon, pas tant que ça. je trouve que toute la façon dont la technologie, de ce que la technologie pouvait donner aujourd'hui, quand on voit tout l'étendue d'Internet, toute la place que ça a pris, bah déjà dans Hyperion, on se dit que Dan Simmons a été assez intelligent déjà en tout début des années 90 et encore. Enfin oui, c'est impressionnant, quoi. Et tous les mondes qui sont décrits, parce qu'il y a plusieurs planètes, évidemment. Donc, c'est, les humains ont colonisé l'espace et sont présents sur des centaines de planètes. Et donc, y a une description des planètes, des mondes, de chacune, de la civilisation qui s'est créée sur chacune de ces planètes. Et c'est vraiment génial de voir la particularité que chaque planète a. Elles sont pas des portraits crachés de la Terre, loin de là. Elles ont toutes une particularité. Et ça aussi, les mondes sont décrits pour qu'on se les imagine. En plus, il n'y a pas que des descriptions, il y a aussi de l'action. Donc, il y a des passages parce que les héros doivent se battre, etc. Donc, évidemment, il y a vraiment de l'action. Il y a des trucs qui font un peu... qui sont très très inquiétants aussi. Il y a des retournements de situation, l'intrigue est géniale. Elle est complexe hein, quand même. Moi, il y a des fois, mais en même temps, il y a pas mal de rappels. Et les personnages font des résumés, on va dire, pour remettre les choses au clair, tout ça. Pour le lecteur, c'est vraiment très utile parce que moi, il y a des fois, oui, vu qu'il y a 36 000 intrigues qui viennent se superposer, il faut rester attentif à tout. Au bout d'un moment, donc ça fait du bien de voir que les personnages font le point, tout ça, ils rappellent des événements passés, et comme ça, le lecteur, ça l'aide vraiment à refaire le point et à savoir où on va. Ensuite, Harry Potter. Je vais parler d'Harry Potter quand même un peu. Y a beaucoup de gens qui ont grandi avec Harry Potter. Moi, je n'ai pas du tout grandi avec Harry Potter. J'en avais jamais entendu parler avant que les films sortent, c'est pour dire. Et puis, je ne les avais toujours pas lus. J'ai vu quelques films avant d'attaquer les romans. Les films ne m'intéressaient pas beaucoup, mais je me suis dit, bon, je vais tenter de lire les bouquins pour voir. Donc j'ai une amie qui a toute la collection, donc je lui ai demandé de me les prêter. Enfin, elle m'a passé les 6 premiers parce que le 7 n'était pas encore sorti. Et puis bon, j'avais complètement oublié les films. Hein. Ça faisait tellement longtemps que je les avais vus que j'avais pas fait attention. Et puis je suis rentrée dedans je les ai enchaînés les 4 premiers comme ça, parce que c'est les plus courts les 4 premiers. Après, il y a les gros pavés qui arrivent. Et j'ai eu aucun mal à les enchaîner, c'était intéressant. Il y a des fois c'est un petit peu trop gentil, on va dire, on se dit c'est trop facile, machin. Mais bon, mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que voilà, ça grandit en même temps, les livres grandissent en même temps que Harry, ça on le sait. Et donc voilà, c'est vraiment fait pour que les enfants de l'âge d'Harry lisent ces livres-là avec la maturité qu'ils prennent en grandissant. Bon, l'intrigue même de Harry Potter est assez simple, mais il y a l'univers créé quand même sur les sorciers, sur leur monde à part, leur vision des moldus, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de pouvoir magique. Nous, c'est sympa aussi, il y a de l'humour aussi, j'adore l'humour dans Harry Potter. Et surtout dans le 2, dans la chambre des secrets, le chevalier de Catoban, il m'a fait rire à un point pas possible, où l'esprit frappeur Peeves, il me faisait bien marrer, les jumeaux Weasley aussi sont drôles, même Ron, il est drôle de toute façon, malgré lui, mais il est drôle quand même. C'est captivant, et puis donc après j'ai enchaîné le 5 et le 6 et le 7, je les ai lus en anglais, donc le 5 j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'il me fallait que je me fasse, c'était la première fois que je lisais un bouquin en anglais, alors en plus le 5, oh, gros pavé, j'en ai bavé pour le finir. Le 7, par contre, alors lui, je l'ai lu d'une traite. Dès qu'il est sorti, je l'ai emprunté à ma copine dès qu'elle l'a fini. Et puis, je l'ai lu d'une traite parce que je fuyais Internet pour pas être spoilée sur quoi que ce soit. Et du coup, je me suis couchée tard tous les soirs quand je rentrais, mais c'était juste je l'ouvre et je me couche, c'est pour le fermer à contre-cœur. Et voilà, je voulais absolument le terminer. Donc, parce que personnellement, je rêvais de savoir c'était quoi la fin, de savoir comment ça se terminait et tout, de savoir ce qui allait se passer. Et parce qu'en même temps, ça faisait une semaine que je me retenais d'aller sur Internet parce que je risquais d'être spoilée sur des trucs. N'importe quel site sur lequel j'allais, il y avait des discussions Harry Potter. C'était affreux, il fallait les fuir. Donc voilà, il fallait fuir tout ça. Donc j'en avais marre de devoir me bander les yeux. Donc comme ça, je l'ai fini et j'étais plus que ravie. Hein. Et le 7 fait partie de mes préférés, d'ailleurs, dans les tomes. Hein. J'aime bien le 2 parce qu'il était drôle. Le 4 est vraiment pas mal aussi. Et puis le 5, je l'ai bien aimé. Hein. Le 6 plus, d'ailleurs, parce que le 5, bon, enfin, le 5, tout ce qui se passe au ministère de la magie, c'était un peu confus et moi je me perdais un peu dans les descriptions, je comprenais rien de ce qui se passait. Et puis le 7, donc même s'il y a un grand ralenti au milieu, il y a, oui, voilà, au milieu quand Harry et Hermione sont seuls dans l'aventure, c'est un peu ennuyeux, il y avait une baisse de rythme là. Mais sinon en général, mais à partir du manoir des Malfoy, le chapitre le manoir des Malfoy, bah, c'est, en fait à partir de là, quand je suis arrivée à ce chapitre là, je me suis dit, je m'arrête plus. Là, à ce niveau là, je savais que j'étais... Il fallait que je lise tout le reste d'une traite, que je ne pouvais pas faire une pause. Donc le 7 m'a terriblement captivée. Parce que bon, c'était la fin quand même. Il fallait que je sache. Même si on sait tous comment ça va se finir dans un sens. Mais il y a quand même des petites surprises. Des pertes terribles aussi. Dès que j'ai commencé les premiers chapitres, là ça y va. Et, oh, ça fait mal. Question 3. Alors, résumer l'histoire d'Hyperion. Ça va être dur. Je suis pas douée pour les résumés. Et alors, pour Hyperion, je crois que les résumés, bah... Enfin, si, bon. Donc, en fait, je vais faire deux résumés. Donc, il y a le résumé de ce qui se passe dans Hyperion et la chute d'Hyperion. Enfin, donc, ça se passe, en fait, après la Terre. Les humains ne vivent plus sur la Terre. Ils ont conquis l'espace. Ils sont répartis sur plusieurs planètes. Ils n'ont plus la Terre, ils ne savent même pas où elle est, elle a été détruite, elle a été aspirée par un trou noir, à ce qu'il paraît. Et donc les humains ont dû fuir la Terre, et les rescapés donc, se sont installés sur les autres planètes. Et bon, on avait déjà conquis l'espace avant, donc on est un sacré paquet d'humains dans l'univers. L'espace intersidéral est géré par les humains et par les IA en même temps. Donc les IA, c'est par le technocentre, et donc les humains. Et parce qu'en fait, les machines, les IA, ont réussi à concevoir quelque chose qui leur permet de prévoir les événements du futur, en étudiant le passé, etc., avec des suites de calculs. Ils réussissent à peu près à savoir ce qui va se passer. Mais par contre, il y a une planète qui échappe à tout ça, c'est Hyperion, parce qu'elle a une zone qui est hors de contrôle. Et donc, on envoie 7 pèlerins dans cette région, pour réussir à percer le mystère de cette planète et d'un éventuel complot qui peut se tramer. Et ensuite, il y a Endymion et l'éveil d'Endymion, qui sont sortis respectivement en 96 et 98. Donc ça se passe des siècles après la chute d'Hyperion. Endymion, donc parce qu'il s'appelle... Donc Endymion, c'est le nom du personnage, il s'appelle Roll Endymion. Et donc il a pour mission d'accompagner une petite fille aînée à mener à bien sa mission, qui devrait rapporter... l'équilibre, on va dire, et donc enfin déjouer le complot qui s'est tramé et qui a causé la chute de l'hégémonie. Donc voilà pour ce qui est de Hyperion. Et après, faire un résumé d'Harry Potter. Un jeune petit sorcier dont les parents ont été tués par un mage noir, parce que le mage noir pense que cet enfant risque de causer sa perte. Et donc évidemment, l'enfant a survécu. Alors, il est tout au long de sa vie, donc il va combattre ce mage noir pour mettre fin à ses noirs desseins. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Camille. Et voilà qui met fin à cette émission. Merci de votre attention. À bientôt.